les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 4 au 11 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante et Alexandra Cagnan sera avec moi plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. Justement, en parlant de l'émission d'aujourd'hui, on va avoir Justine Renaud et ses tartines de Justine. On va aussi avoir les instants classiques d'assemblage requis ainsi que la section ailleurs dans les palmarès. Tout ça d'ici la fin de notre émission qui dure 3 heures. On va savoir d'ici la fin si les numéros 1 sont toujours du côté francophone, Damien Robitaille avec Omniprésent, et en anglophone, Octopus de Block Party. Je sais par contre qu'on a plusieurs nouvelles entrées. 3 du côté francophone. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 du côté anglophone. Mais voyons donc, toi, cette nouvelle entrée du côté anglophone. Ça va faire du bien. Ça va faire changement. Alors, on va commencer d'ailleurs en nouvelle entrée. Du côté anglo, il y aura Hunter Valentine et un retour pour eux, hein, pour ce groupe-là, qui, en tout cas, qui n'a pas été sur le palmarès depuis un méchant moment, mais qui l'a déjà été. On est vétérans. Leur album s'appelle Collide and Conquer. On va entendre Liar Liar, mais on va débuter avec un autre nouvel extrait de Danny Placard. C'est le deuxième de cet album-là qui s'appelle Démon Vert. Précédemment, on avait eu Graisse de Bin, mais maintenant, voici Dis-moi. Le palmarès, c'est fou. 89 FM. Pas d'émission. Pourquoi je fais cette voix-là? Je sais pas. C'est de même. nouvelle entrée. You said we keep this pet forever. Like we've laid your curse from the start. You had your hands inside my pockets. Incantation de Talisien le Breton.

The Vaccines et la pièce No Hope, nouvelle entrée en 19e place sur l'album Come of Age. Pas mauvais, pas mauvais. On s'en a entendu Noem et Beltam. Ça, sérieusement, j'adore. C'est la deuxième pièce de l'album Petites Apocalypses. Avant ça, du côté anglophone, en 20e place, c'était Hunter Valentine et Liar Liar. Et on a débuté tout ça avec Dali Placard et Dis-moi, deuxième extrait de l'album Démon Vert. On va sauter par-dessus trois positions francophones parce qu'elles ont bougé. Elles ne sont pas des nouvelles entrées. C'est en 18e place, Tic Tac de Keith Kuna, en 17e, Trio avec Greenwashing, et L'heure et l'endroit de Dumas est en 16e. Tout ça est stable, donc ça bouge pas, c'est comme ça. Du côté anglophone, par contre, il y a encore trois nouvelles entrées. Enfin, il y en a cinq, mais on va en écouter trois là. Plus tard, Stars et Bat for Lashes, mais on débute avec Band of Horses sur l'album Mirage Rock. Voici Knock Knock qui est là. Et Band of Horses, je l'ai comme parti en cours de route, ça fait un petit peu bizarre. Là, c'est comment? Oh, ce n'est pas mal assez fou. On the phone, never feel the rush.

If living isn't hardwired, I see it in your eyes. Stars, et que c'est donc bon, c'est le nouvel extrait Backline sur leur album The North. C'est le deuxième extrait de cet album-là, le premier étant The Theory of Relativity. Avant ça, c'était Bad for Lashes et All Your Gold. Ça, c'est tout nouveau. L'album vient de sortir, The Haunted Man. Et on a débuté avec Bed of Horses et Knock Knock sur Mirage Rock. Et ça, encore une fois, ce bloc-là au complet, vous allez l'entendre très, très souvent à Assemblage Rocky, c'est certain. Même chose pour ce qu'on a entendu avant, peut-être Hunter Valentine's Vaccines, moins mon genre, quand même. Il nous reste deux nouvelles entrées. On va rester du côté anglophone pour vraiment faire les nouvelles entrées une après l'autre. On va entendre... on aurait dû commencer avec le francophone. Mais bon, yeah, on s'en fout. On va commencer avec l'anglo, OK? Donc, tantôt, les trois accords et Hot Pandem. On va débuter avec Grizzly Bear parce qu'il est dans le lecteur déjà. C'est donc plus pratique pour moi. Yet again, c'est sûr de palmarès, c'est fou. Trop de détails. Take it all inside. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Numéro 15. Nouvelle entrée. Spécifiquement pour pouvoir s'y promener. Les trois accords et exercices, nouvelle entrée en 15e place francophone. Avant ça, on a entendu, avec le mauvais numéro devant, Grizzly Bear et Yet Again. On a aussi entendu au début du bloc Hot Panda et Future Markets. Donc voilà pour un petit bloc plus ou moins incompréhensible, étant donné que je n'ai pas joué dans l'ordre. Mais bon. Maintenant, on va y aller avec... on va sauter par-dessus quelque chose. C'est Chinatown, position numéro 14, qui descend de la deuxième place, donc chute de 12. Et c'est là depuis 7 semaines. On la joue énormément, vous la connaissez par cœur, même si ça serait bien le fun de tout entendre. Des fois, les plus vieilles, on les saute. Ça a l'air bizarre d'imaginer, les plus vieilles, on les saute. Hein? Mais bon, chacun ses goûts. Hein? On est rendu pour position numéro 13. Du côté anglo, il y aura The Darkness. Non, oui, pas sûr. Avec Nothing's Gonna Stop Us, c'était une nouvelle entrée, c'est une pensée, ça monte de 7 places. On débute avec Ariane Moffat et Hôtel Amour Stable. Et on dédie ça à toutes les femmes. P.S. Je peux pas dire P.S. tendresse, c'est copyrighté, ça. Droit d'autorisé, on dit en français, j'imagine. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Se partage, il fait la cour. Je pars pour Tokyo. Dans ma tête, il y a un passage, un vide confortable. numéro 13. I am no messenger, but I will give you a message. A message. In your head. Parce que si rien va les arrêter, comment ça fait que la chanson a fini par finir? Hein? Bonne question. Nothing's Gonna Stop Us de The Darkness. Position numéro 13, ça monte de 7 places. C'était nouveau la semaine passée. On a débuté avec Karian Moffat et Hotel Mamour, qui est stable sur l'album Ma. Pour ça j'ai dit Mamour. Position numéro 12, maintenant, pour terminer cette première heure. Du côté anglo, il y aura Smoke and Jackal avec Fall Around qui monte d'une place. Mais avant ça, on fait tous ensemble Movember, hein? Movember? Moi, je le fais pas personnellement parce que je trouve ça vraiment laid, le moustache sur ma face. En fait, je trouve ma face déjà assez laid de même, je l'ai pas ambitionné. Donc, on va écouter Madame Moustache. Voici Maison Mobile. Sur C'est Fou. Dans vos oreilles et au-dessus de votre bouche. Léchez-vous les babines. Il y a plein de C'est Fou sur ta bouche. Hein? C'est une piscine pour ses gamins. Je m'étonnais de cette banlieue et de ce paysage. Mes yeux n'en pouvaient plus que l'horizon, seul moyen de guérison. J'ai tapé loin vers en avant, là où l'espace a tout son temps. Car c'est fini les compromis, place à l'exil, je suis parti. Faire de bruit sans dire un mot. À moi, l'Eldorado. La route est belle en cavale sur des villes normales. C'est un autre vie si fou de folle. J'ai mis ma maison dans mon sac. Je suis en piste, je vise en vol. Je m'arrêterai si je croise un petit chac. J'arque les amarres, je coupe les ponts du vent, monte le cri, partir, je suis en vie. Car moi je sais que j'ai ce qu'il faut, je pars sans fuir toujours plus haut. La tête haute, devant mon dos, en fermant mes. la pièce Fall Around de Smoke and Jackal, bon, d'une place en 12e position anglophone. Avant ça, on a entendu Mala Moustache et Maison Mobile qui, elle, descend d'une place. Donc, petit inversement proportionnel à Curie, etc. Le cosinus, c'est. On était tantôt réglé, puis ça n'arrête pas de parler de mathématiques. Colin, tu me perds! Ça me déprime! Bon, presque autant que ces pièces de Smoke and Jackal. C'est un petit peu déprimant, mais qui est bonne pareil. Tout à l'heure, on reviendra avec Damien Robitaille, Passion Pit, Block Party et Bio Bazaar. Le temps de vous dire qu'encore une fois, c'est Movember. Fait que je voulais juste ressortir mes jeux de mots parce que je le fais pas souvent, tu sais. Assez fou. Ceux qui participent au Movember sont des foustaches ou des foustachus. Et la sorte de moustache qui se feront pousser, j'espère, sera une de ces foustaches. Une Sifu Manchu. Sifu Manchu. Ça? J'ai un petit peu raté ma blague, mais Sifu Manchu. Okay. Fait que retenez ça puis utilisez-le, mais créditez Mathieu Plante. Toujours bon. C'est ça. On revient. Ça valait absolument pas la peine de dire ça. Hein. Go, go, go, go! Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 4 au 11 novembre 2012. Mathieu Plante, c'est moi, c'est mon nom, c'est la personne avec qui vous êtes pris pour encore 2 heures. Plus tard, par contre, soyez donc contents, si on veut, il n'y a pas de meilleur mot que ça, parce que Alexandra Carignan va être avec nous, donc ça va remonter d'une coche pas mal toute l'affaire au complet. Donc, 11e place du côté anglophone, Passion Pit avec Constant Conversation, une de mes préférées de Passion Pit. Je dirais une des. Combien que de pièces sur l'album, je ne sais pas. Là, j'aurais pu insérer, mettons, une de mes 12 préférées de l'album. Ça a été cute. C'est bon. Alors, on va débuter avec Damien Robitaille, par contre, qui, lui, était en position numéro 1 la semaine passée. Donc, légère chute, en fait, de plus de la moitié du palmarès. Voici Omniprésent. Il est partout. Ça veut pas dire qu'il est en haut. Il est partout dans le palmarès. C'est ça que ça veut dire. C'est au palmarès, c'est fou. Je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. La la la la la la la la la la la la la. Mon papa me disait souvent, tu ne peux pas être à deux places en même temps. Mais contre toute logique, je défie les lois de la physique. J'apparais simultanément dans plusieurs lieux et plusieurs événements, comme un homme omniprésent. De tout bord, de tout côté, parfaitement éparpillé. Bubble, didn't get it, bubbles out. Black Party et Octopus, l'ancien numéro 1, maintenant en 10e position, pas 11e, comme j'ai mis le numéro dans le milieu. Hein? Juste inverser les affaires, je suis de même aujourd'hui. J'ai juste des affaires dans le désordre. On se croirait à Musique Plus, tu sais. Genre, oui, je joue le palmarès dans le désordre. Il y en a qui suivent pas Musique Plus, je dirais 95% de la population suit pas Musique Plus, fait que ça ne pas de quoi je parle, mais ça reste ça. Donc, on va l'entendre Passion Pit qu'on a manqué tantôt en 11e place dans quelques secondes. Suivra Bio Bazaar et son excellent morceau Skyfish qui, elle, est vraiment en 10e position francophone. Donc, elle étant un féminin et j'ai dit morceau masculin, ça s'accorde comme pas. C'est pas grave. T'sais. Donc, Passion Pit tout de suite et j'arrête de m'en faire pour des erreurs qui changent absolument rien. Hein? C'est ça que ça veut dire. Les Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir et ça, ben, ça donne à jouer sur les ondes de C'est Fou. Incroyable, mais vrai. By the noisy street. Quelle heure, là? Minuit. Merci, preuve. Bon. Où en étais-je? Ah oui. Bazar, oh que oui, la pièce Skyfish Radio Hit. Ça descend de 6 places en 10e position francophone. On a aussi entendu Passion Pit et Constant Conversation qui montent d'une place en 11e anglophone. Voilà, petit bloc mix and match, un peu comme des pas de bas, hein? Des fois, quand c'est tout ce qui reste. Pas de bas? Dans le sens que c'est pas les numéros de la même. C'est pas la. En tout cas, on se comprend, là, ceux qui suivaient tantôt. Je vais rappeler mon erreur, ça a l'air complètement débutant. J'ai l'air d'avoir une nouvelle émission sur le son de Cifou. Donc, on va aller aux positions numéro 9 tout de suite. Du côté anglo, il y aura The Gas and Anthem, qu'on adore. Ici, on adore vraiment ça, c'est fou. C'est la pièce Handwritten, ça monte de deux places. Avant ça, par contre, on va aller entendre quelqu'un qui chante une chanson et qui est une femme, Lisa Leblanc, et Kraft Dinner, qui est stable en 9e. J'essaie de ne pas dire qu'on l'aime parce que je voulais pas m'inclure là-dedans. C'est subtil, hein? Lisa Leblanc, t'es fine. T'as des qualités. Faudrait pas dire ça à personne, mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas, ni un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée avec des petites fleurs pis des chandelles, mais je trouve ça quétaine pour mourir, pis toi aussi. Au pire, on ira ensemble. On mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. Au pire, on ira ensemble. On mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. J'aimerais ça danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais peur de te marcher dessus pis te casser un orteil. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux pis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers, ben au moins nous autres on se comprendra. Au pire on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. On rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. De toute façon, il était rendu trop maigre. J'ai le cœur engraissé, mais c'est correct. De toute façon il était rendu trop maigre. Numéro 9. Gaslight Anthem et Handwritten, position numéro 9, ça monte de deux places. C'est le deuxième extrait de l'album Handwritten, le premier étant 45. Alors, on a entendu Lisa Leblanc avec Kraft Dinner qui est stable sur son album qui s'appelle aussi Lisa Leblanc. Voilà, parce que c'est le nom de la fille. Elle a bien l'album pareil, c'est logique. Position numéro 8 qu'on va entendre dans quelques minutes. Par contre, avant ça, je pense qu'on devrait faire un petit peu le tour de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès parce que pour les non-initiés, là, les outsiders, comme ils disent en anglais, là, des palmarès c'est fou, ben eux, ils sont sous l'impression que les palmarès c'est fou, c'est seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, mais ils ont tous tort, chacun d'entre eux, l'un plus que l'autre, tu sais. parce que c'est aussi un top 3 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 électronique et un top 10 loud. Et c'est ici que je reprends mon souffle. Donc, top 30 des albums, on retrouve là-dedans 4 nouvelles entrées. En 22e, Hunter Valentine et Collide Conquer. Voilà. En 21e place, c'est Come of Age par The Vaccines. En 20e, il y a Bed of Horses avec Mirage Rock. Et en 19e, c'est Bad for Lashes avec The Haunted Man. Si vous trouvez ça, comme il me semble, je me rappelle de ces noms-là, j'ai déjà entendu, ben, c'est parce que c'était les positions correspondantes 20 à 17 du top 20 anglophone. Ensuite, dans le top 3 des disques canadiens, ben, ça, y a pas de nouvelles entrées. Donc, en troisième, c'est l'ancien numéro 2, Metric et Synthetica. En deuxième, ça monte de 9 places. Donc, c'est dans le, c'était la position numéro 11 non existante du top 3 des disques canadiens, si on veut. Donc, White Horse avec The Fate of the World Depends on This Kiss. J'imagine que c'est parce que le palmarès a une suite, mais on l'affiche pas, t'sais. En numéro 1, ça monte de 2, Diamond Rings avec Three Dimensional. Maintenant, dans le top 10 électronique, il n'y a pas de nouvelles entrées. Tout est stable, comme un petit peu depuis les genres derniers mois. Là, ça bouge pas mal du côté de l'électronique pour des raisons que j'ignore. Donc, en troisième place, c'est Hojob ou Hojob avec New World March, The Remixes. En deuxième, on dirait que j'avais un rhume, là, deuxième, où j'étais Pierre Bruno pour un instant. En deuxième position, c'était bien sûr The Invisible avec Rispa. Et en première, c'est stable, Blue Foundation, ça ressemblait pas du tout à Pierre Bruno. L'album s'appelle In My Mind, I Am Free. Et pour terminer dans le top 10, là où une seule nouvelle entrée, c'est Converge avec All We Love, We Leave Behind. Oh, c'est cute, ça, tout ce qu'on aime, hein, on le laisse derrière nous. Ouais. Et ça, c'est une, comme je dis, nouvelle entrée. OK, nouvelle entrée. Sauf que ça dit que c'est la deuxième semaine de présence. Mais bon. Troisième position, ça monte de 5, Bison BC avec Lovelessness. En deuxième, ça monte de 5, Enslaved avec Writer. Et en première, c'est stable, la septième semaine pour Devin Townsend et Epic Cloud. Voilà, pour le top 10, Loud. Ça tombe drôle que son album s'appelle Epic Loud, que c'est dans le top Loud. Il devrait l'appeler le top 10 Epic Loud. Parce que c'est épique, c'est gros, on aime ça. Donc, retournons aux deux top 20. Et on était rendu aux positions numéro 8 quand on s'est laissé tantôt. Du côté anglophone, ce sera Bad of Scars et You're Not Pretty But You Got It Going On qui descend d'une place et qui est là depuis 8 semaines. Mais débutons avec Amélie qui monte de 2. C'est la fête au 89 FM. Les palmarès, c'est fou! Fins demà! êtes à C'est Fou pour l'écouter. C'est Fou 89.1. Numéro 8. Scars et You're Not Pretty But You Got It Going On, qui est la position numéro 8. Là, j'ai un petit peu accéléré la cadence sur les syllabes, puis ils n'ont pas tout rentré vraiment, hein, ou sorti. You're Not Pretty But You Got It Going On. Ça monte, ça descend d'une place. Du côté franco, on a entendu Amélie et La Fête qui monte de deux. Pas vraiment de raison de célébrer tant que ça. Là. C'est pas grand-chose, deux places, mais quand même. Il faut avoir de l'espoir, hein, bien. L'album s'appelle Le Royaume. Numéro 7 maintenant, du côté anglophone, Colin Moore et Long Road. Ça monte de 11 places, c'était nouveau la semaine passée. Mais avant ça, on va entendre un artiste qui aime se répéter dans son nom, mais pas dans ses chansons, parce qu'elles sont toutes bonnes et toutes différentes. Hein? Tu vois comment c'est cute, ce que j'ai dit là? Ça monte de 13 places, voici Carousel, Peter Peter. Au palmarès, c'est fou! 89 FM. numéro 7. Out on tour again. I guess it's something I can't help. Heading west on out to Calgary. Hear the women there, something else. See a man walking down the road and smiling, and offered him a ride into the next town. Said no thanks, my friend, but I think I'd rather try my luck and walk this one out. 'Cause it's much better when I take the long, long road. 'Cause I can't bear to miss a thing. I take the long, long road. Just wish you could have brought some of my friends. Tired and my soul's worn thin. I guess it's only so much booze can help. Ain't complaining, it's just the state I'm in. Well aware I brought it all on myself. People get lucky living life on the high road. Others have to work hard, have to make it count. Figure it out, it's just much better. C'est un gars qui met son GPS sur le mode vélo, comme ça t'évites les autoroutes. Fait que là, tu peux prendre la longue, longue route pour se rendre quelque part. Ça m'est déjà arrivé, ça. Pour cocher la case vélo sur le GPS, puis ça fait que c'est long pour se rendre à Montréal. C'est très long, ouais. Donc, on vient d'entendre Colin Moore et Long Road qui monte de 11 places. C'était nouveau la semaine passée et ça a monté, ça, sur un méchant temps, là. Comme on pourrait dire, un vrai Lance Armstrong, mais sans les drogues. Commentaire très pertinent, c'est vraiment d'actualité, ça, là. C'est pas de vlog avec moi. Avant ça, on a entendu la Peter Peter, avec Carousel qui monte de 13 places. Ça aussi, c'est le nouveau la semaine passée. L'album s'appelle Une version améliorée de la tristesse et c'est le deuxième extrait après Les chemins étoilés. On arrive avec les sixièmes places maintenant. Et ça va être un excellent bloc composé de The Wallflowers avec Hospital for Sinners qui monte de la 14e place tout à l'heure. Mais avant ça, tout de suite, là, right now, on va écouter La Descente du Coude qui monte de la 15e. Voici Instinct Domestique. On est pas mal assez fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est pour vous offrir. Ça a l'air vrai, dis-moi. Salut. Humble and great, so derelicts and outlaws can hunt for a day. The worst haunts sinners and no museum saints. Sinners and no museum saints. It's a hospital for sinners and no museum of saints. The Wallflowers et la pièce Hospital for Sinners numéro 6, ça monte de la 14e place. Et juste avant, on a entendu La descente du coude avec Instinct domestique. J'entends des voix là. C'est moi! Ça me c'est moi qui animais depuis le début. Hey! Alexandra! Salut! Ben oui! Ça va? Ça va très bien. On n'attendra pas le début de la prochaine heure pour te parler. Voyons donc, t'es ben là, non, je suis là, là. C'est ça. Là. Faut pas que je serve à quelque chose. Ben, qu'un, Colin. Hein? Ben voilà. C'est tout? T'as rien d'autre à dire? Non, mais. Ça va que tu servais à quelque chose, toi. J'ai pas de commentaire. Je pourrais vous sortir une citation. Mais ouais, mettons. Dis-moi un adage, là. Une phrase, là, peut-être en latin. Attends, mais en latin? Mais ouais. Non, mais je peux te. J'peux, cependant, ma citation du jour serait. Tout bonnement, comme ça, le théâtre doit être ce que le théâtre n'est pas. Et ça a été dit par Pier Paolo Pasolini. Paolo Pasolini. Une sorte de Paolo, ça, je pense aussi. Mais je sais pas, une citation en latin, là. Attends. OK, on va en trouver une. On va travailler pour vrai. Cherche vite, là. Ouais, ouais. Citation latin. Dans mon... Dedans, je sais pas, là. Latin un peu. Latin un peu, je vais trouver, ça, non? Je pense qu'on a une de notre public en studio. OK, lis ça. Mettons, in vito veritas. Bon, in vito veritas. Oui, sinon, il y a... Attends, c'est... Non, ben il y en a une... Parce qu'il y en a une en latin, là, dans Harry Potter. Là, OK. Je m'en rappelle plus, c'est quoi. Oui. Formule magique. Notre studio va disparaître, non, va s'agrandir d'un coup sec. Si tu dis ça, peut-être, ça pourrait être la fin. Ça serait drôle, là. C'est pas pire. Tu sais, le miroir d'Harry Potter. Ouais. Là, ça... Du désir, en tout cas. Je me comprends, puis je me trouve tellement drôle. Moi, je te comprends pas, mais si tu veux. C'est ça. Si t'étais un personnage d'Harry Potter, tu serais évidemment... Je serais Hermione. Hermione Granger. Ben oui. C'est drôle, là, mais mon professeur, Claude Bellavance, okay. qui m'a enseigné ce qui s'appelle... Les bonnes manières. C'est un cours, non, c'est un cours de philosophie historique. M'appelait Hermione Granger. Ah ben. Parce que je répondais tout le temps à ses questions. Parce que le reste de la classe était trop gêné ou avait pas fait les lectures. Ouais. Ah, une bonne petite. Fait qu'à chaque fois que je levais la main, il me disait oui, Hermione. Ah, Herm. C'était donc ben drôle. Eh ben, belle anecdote. On aime ça. On aime. Je trouve que ça a rapport avec Harry Potter, on aime ça en même temps. Non, c'est sûr. C'est l'affaire. Donc, on va être en opposition numéro 5, tiens, du côté anglophone, ce sera Hannah Georges et Robotic qui montent de 4 places. Mais du côté francophone, on va aller écouter Atomic Baobab avec le Viewmaster, 5e position en hausse de 2. À la Kazoum, à la Kazim, à la Kazam! Faut que je fasse les mouvements, tu sais, à radio. Viou! Des fusils laser. OK, ouais. Un nouveau, t'es l'échappement, on n'arrive pas. 5. Je t'ai répondu avant même que tu poses la question, fait, donc ça me donne un point de plus, puis ça va compenser pour toutes les fois futures et passées où je vais pas te donner un signal correct avant de revenir en ondes. Tu sais, ça va ouais, c'est bon ça. Comme là, si mettons, je te donne le signal de dire qu'est-ce qui vient de jouer, go! Go! Ben là qu'est-ce qui vient de jouer? Pas, c'est Anak Georges avec Robotique au numéro 5 anglophone, belle remontée de 4. Bravo! Je faisais les mathématiques en même temps. Et du côté franco, c'était Atomic Barbab et le Viewmaster qui monte de la 7e place, donc de 2 places. Tabarouette! Ouais. Wow! On revient tantôt avec Yann Perrault et Ishaud et les meilleurs moments d'assemblage requis. Restez là. Restez là. Go, restez là. Go, vas-y. Reste là. Go. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Vous êtes de retour au Palmarès C'est fou pour la semaine du 4 au 11 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Oh oui, dernière heure de l'émission et heure, première heure complète avec Alexandra. Ben oui! Mais aussi dernière heure complète parce que c'est la seule. Ben c'est ça. Fait qu'on prend ce qu'on peut. C'est cette heure-là qu'il faut écouter. C'est pas grave si vous n'étiez pas là avant. En plus, non seulement ça, mais c'est le top 4 dans cette heure-là. Donc, ben oui. Alexandra, top 4, qu'est-ce qui est le meilleur? Mettons, tu rajoutes aussi Bang Crème Boston. Là, t'as vraiment un choix difficile. Là, t'as vraiment un choix difficile. C'est pas, là, parce que, tu sais, mettons, le bang, le papier colle après. C'est alors qu'Alexandra, le papier colle pas après. Non, ben, ça dépend. Ça dépend, là. Ça dépend. Si t'as quelque chose de collant sur toi. Si quelque chose de collant sur moi, ça va coller. Mais ça devrait pas en temps normal. En temps normal. Bon. Donc, position numéro 4, anglophone East Road avec October Road, nouvelle entrée de la semaine passée, qui était en 19e place, maintenant en 4e. Mais tout d'abord, on va aller écouter Yann Perrault avec Acrobate de l'éternité au numéro 4. Une belle remontée de plein position, puisqu'il était au numéro 19 la semaine dernière. Wow! Je voudrais bien t'aider, mais non, pas pour moi. 19 moins 4... Ça, c'est moi en train de siffler comme faire « Je sais pas la réponse. » 15. Île de musique, naufragée chez toi. Je suis en état d'un péché démentiel depuis toi. J'ai la bête immortelle, t'es mon plus bel accident. Mon intempérie sexuelle. T'as mis le nez dans mon jeu, la main sur mon but. Je suis né, j'ai toujours su que j'allais te rencontrer, toi mon garde du fou que je suis. Mon passage à niveau, ma campagne de bistrot. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. D'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. Numéro 4. Saturday morning, my heart is on the move. I want things too much, just take my things and go. Hit the road to the East Coast. And take the ferry to Magdalene Island. Hit the road to the East Coast. October road. The yellow fields to turning brown. It rained all week in a gray background. Bring your guitar and some good music. We'll drive all night and feel what's magic. Hit the road to the East Coast and take the ferry to Magdalene Island. October road. East Road et October Road. Position numéro 4, ça monte de la 19e place. Et c'était nouveau la semaine passée. Et juste avant, on a entendu Yann Perrault avec Acrobat de l'éternité qui a monté, on l'a compté tantôt, qui a monté... On l'a compté, mais on s'en souvient aussi plus. Aussi de la 19e place. 15! Elle a monté de 15 places. Elle est au numéro 19 la semaine dernière. Et maintenant, elle est au numéro 4, mais francophone. Pourquoi c'est ce chiffre-là, c'est 19 qu'on a de la misère? Pourtant, c'est juste à une position de la 20e. C'est fait que tu fais la translation. Effectivement. Je pense qu'on y pense pas. Translation? C'est quoi la... Translation? Non, mais je comprends. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Quand tu tasses quelque chose... Là. C'est une transposition? Non, en mathématiques, avec les formes, tu fais une translation. C'est une translation latérale. Je suis pas certaine. Ça a du sens. Mais moi, là. Tu peux me demander l'herméneutique. Mais demande-moi pas de faire 19 moins 4. L'hermétique. L'herméneutique. L'herméneutique. C'est mon illégal. Grand-père s'appelait Hermann. Non. Ça n'a pas rapport avec ça? Non, c'est une théorie philosophique développée par. Hey! La philosophie. Ça m'endort. En tout cas. En tout cas. Voici les instants classiques. Les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 5 novembre 2012. Ce dont tous les gens se vont parler aujourd'hui, le changement d'heure. Ah oui. La pluie, le beau temps. C'est fun, par exemple, le changement d'heure. Oui. Il fait clair ce matin. Mais il va faire noir avant. Ouais, ça, c'est vrai. Tu vois, on parle de ça. C'est de même. Bon. On parle de ça. Tu slackes pour. Relax, dude. Qu'est-ce que tu slack? Tu slack tes bretelles? Slack tes shorts. Calme-toi le pompon. Slack tes shorts? Au bout, au bout! J'ai la bonne musique ce matin. Il fait frisquet. Mettez votre bonnet. Votre bonnet. J'aime ça, un petit bonnet. C'est cute. Jack White. Jack White. Jack White. Pas déballé. Jacques Leblanc. Jacques Leblanc. Jacques Leblanc. Exactement. A Bed of Horses. Un groupe de cheval. Dry the River. Sèche la rivière. The Vaccines. Les vaccins. Plate un peu. The Wallflowers. Les fleurs sur le mur. Les fleurs murales? Fleurs murales. Ici, on a une fille qui sort avec Maxime Tanguay, fait des chroniques musique dans son campus. Alors, on présente la copine, Maxime Tanguay. Name dropper, c'est quoi la name dropper? Je suis pas name dropper, je connais vraiment de Vaccines. Je connais vraiment Maxime Tanguay. T'as pas l'air de me croire, mais je connais vraiment cette bande-là. Ok, dans ce cas. On demandera demain. Je suis un robot. Bonne journée! Ah, bah, bah. Non? À deux, ben. À deux, un. Viens, essaie de m'attuiler, là. Pardon? Je vais juste mettre mon oreille sur le micro, comment? Viens ici, je vais t'huiler. Ok, je vais pas ça, je remets mon oreille sur le micro, dis-le la dernière fois. Non. T'es vulgaire. Oh non. Mais non, faut que tu huiles ça, robot. Tantôt, j'ai parlé d'un dinosaure qui allait nous attaquer. C'est dans la fenêtre, là, François. On dirait qu'il y a un dinosaure qui va nous attaquer dans le pavillon. Je pense que c'est une grue. Tu peux-tu? Ouais, c'est... peut-être. Ben, ça semble être une pépine pour notre futur pavillon des étudiants, dont vous avez sûrement parlé en ondes à plusieurs reprises. Mais vraiment, là, puis là, je vous parlais hors d'onde, puis là, j'ai vu l'ombrage approcher dans la fenêtre, mais c'est ça! Un dinosaure! Hey, cette semaine, tu dois nous dire le nom de ta chronique. Comme un dinosaure? Comme un dinosaure. Oh, ben, et si bol! OK. On veut que ce bonne-là! Oh, nous, Junior! Je vois comme ça là, un individu qui a de l'air un peu louche. Et puis, tabarnak. Ah, j'aimerais ça que vous le voyiez à la maison. Il est drôle. Hey. Comme un petit rat. Un hamster. C'est incroyable. Ça prendrait une webcam. Vraiment. Oh. Juste pour ça. Oh. Juste pour ça. Ah, j'ai envie de sortir mon iPhone. Ah ouais, donc. Avec mon appareil photo et vidéo. Et puis prendre une vidéo. OK, je vais vous mettre ça sur Facebook. OK. Je passe ça. OK. David Ferron, regarde-nous, fais ce que t'as fait tantôt. N'importe quoi. Ah ouais. Allez. C'est toi, fais ton hamster. Eh hey boy. Oh, mon Dieu. Oh. Incroyable. Okay. Incroyable. Bon, ben c'est bien beau à radio tout ça. C'est quoi tu vas faire avec ça? Je sais pas. Tu vas ruiner ma carrière de chroniqueur. Probablement. Ouais, fais ça là. Faut mettre des petites mitaines au fleur. Ce matin j'ai dit un fidène. Des fidènes? Non, un filène. Ok. Je voulais dire un foulard et des mitaines. Oh, j'aime ça. C'est comme le package deal. Le filène. Filène. Écoute, les deux sont faits de fil. Je vois pas le. Oui, on va faire tirer des billets de lutte ce matin. Ouais, j'en viens pas. Assemblage requis. Mode casse en deux! Va te péter une chaise d'en face. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, je dirais rien du tout. Je le mérite peut-être, hein? On sait pas. Nous, mais avant ça, on a un invité spécial, François-Olivier. Oui, par téléphone. Ben, en fait, c'est pas moi l'invité spécial. C'est. Virgule François-Olivier. Ouais, merci. Jusqu'au printemps! Bernard à la bus! Hey, écris pas de même, toi! Scotch goûte le vent! Calme-toi! On va parler du livre Histoire du Québec pour les nuls. OK, qui est sorti dernièrement? Ça sort aujourd'hui, en fait. Ça sort aujourd'hui! 8 novembre! Wow. Oui! Hey, mais comment, on est-tu dedans ou on n'est pas dedans? On n'est pas dans le livre, malheureusement, non. Ben, ça, on sait pas, hein, tu l'as-tu tout ah, lu? Ben, pas jusqu'à la fin. Pas jusqu'à la fin. Je vais regarder dans le petit glossaire. Ouais. Assemblage requis. Asselin, Oliver. Oliver, Asselin, c'est comme assemblage requis. Ouais, ouais, pas c'est nous autres. On est dedans. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 5 novembre 2012. Qu'est-ce que c'est ça, rire de Bernard Adamus? Qui ça? Hein? Vois-tu? J'animais la radio de loin! De ce que tu ris, là, ouais. Je trouvais que c'était une belle direction musicale. Tout est... Non, mais c'est bien! C'est juste que je l'imite parce que, tu sais, des fois, on rit de ceux qu'on aime, là. Ouais, c'est ça, me semble. Tu ris pas mal d'Elisabeth Blanc, d'ailleurs. Ouais, pas mal, beaucoup. Je ris aussi de David Ferron, mais David Ferron, tu sais, c'était drôle, c'était le fun. À la radio, c'était n'importe que quoi, tu sais. Genre, tu crois en vidéo même. Aussi. En vidéo aussi. Ben, allez voir sur la page Facebook d'Assemblage requis la nouvelle vedette, la nouvelle coqueluche de l'émission. Hein. De l'émission. C'est lui. C'est le petit rat de compagnie. Bon, on l'aime. Enfin, c'est pas un rat, là, c'est méchant. C'est comme l'émission, là, les rats, là. Dexter. C'est les deux rats là, qui veulent prendre le monde. Ah, Minus et Cortex. Minus et Cortex. Pinky and pourquoi. The Brain. Je pense qu'il y avait un X dans Cortex. Oui, Cortex, puis d'accord. Il y a un X dans Dexter, je me suis mélangé. Ah, c'est ça, on mélange les lettres et c'est beau. C'est ça. Donc, Assemblage requis, c'est du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec moi-même, Mathieu Plante, la chose. Là. Et Mathieu, je ne sais pas l'autre Mathieu. Là. Il y a une chance qu'il n'y a pas de Mathieu là-dedans. Non, une chance. François-Olivier Marchand, merci oui. Alexandra de ton soutien. Ça me fait plaisir. Une chance qu'il n'y a pas de Mathieu. Mais là, je connais un autre Mathieu Plante, mais pas toi. Oui, en histoire. Vous pourriez co-animer, ben oui. Waouh, c'est comme Mathieu Plante x2. C'est... Qui est le meilleur? Oui. Qui va gagner? Il a été élu à sa troisième année de bac l'homme le plus mystérieux du bac. Oh! Okay. C'est drôle, hein? C'est bizarre. C'est drôle. C'est un compliment, l'homme le plus mystérieux? Il est vraiment smart. Mais tu sais, c'était drôle. Puis il était là pour le recevoir, tu sais. Fait que c'était cool. Tu sais, t'as comme Mathieu Plante, le mystérieux du bac. C'est d'habitude, t'as le plus gêné du bac qui est jamais là. C'est ça. Et t'as Mathieu Plante, le gars qui dévoile beaucoup trop de détails sur sa vie personnelle en ondes. C'est. Ben oui. Ben non, mais il faut. Il n'y a pas juste un milieu. Non, j'avais un autre adage, là, mais je l'ai perdu. Comme quoi, c'est dommage. Tout est équilibré. Oui, c'est ça. Comme une équerre. Herménégine. L'herméneutique, mais t'as cherché et c'était vraiment ce que t'avais dit. Finalement. Oui, ben en fait, c'est pas une théorie qui a été développée par Heidegger, mais elle a été justement repensée par Heidegger. C'est la théorie d'étude des textes anciens. Tout simple que ça. Hein? Comment? OK. Oui. Laisse d'en faire. Hein? Pardon, hein? Je suis où, là? Je vais en parler au boudoir et les auditeurs vont apprécier ça. Au boudoir, ça va être intéressant. Ça, je sais parce que c'est bon, cette émission-là. Et c'est les lundis soirs. Les lundis soirs à 18h. Ou encore, pour ceux qui nous écoutent le lundi, parce qu'on joue le lundi, mm-hmm. C'est dans 1h30, mettons. Tu l'as noté? Oui. Cool. Tu l'as noté. On est rendu au position numéro 3. Du côté anglophone, il y aura Metric et Breathing Underwater qui descendent d'une place. Mais tout d'abord, ce sera le magnifique Tremblay avec Marie Plastique. Qui est stable, numéro 3. Oui, stable. Marie Ledon. Marie Plastique, Marie Le. Marie Plastique. Le Salon Marionneau. Tu sais, à TV en anglais, ils annoncent le Salon Marionneau. Là, ils font ça, je te jure. Le Salon Marionneau, c'est bien beau. La télé canadienne de Montréal, en anglais. Dans ton make-up, t'en mets du temps, mais t'es pas plus hot. T'es plus quelqu'un, t'es rendu quelque chose. Tu te regardes avec les yeux des autres. Des filles

pas combien de temps je durais à respirer en dessous de l'eau, là. En tout cas, retenez mon souffle 3 secondes, c'est vrai? Mettons. On vient d'entendre Metric et Breathing Underwater qui descend d'une place en troisième anglo. Et juste avant, on a entendu Tremblay avec Marie Plastique au numéro 3, qui était au numéro 3, donc il a... Stabilisé. Si une fille cherche la stabilité, c'est Tremblay. Ah, ben, Colin, ça rime. Je pense que. Ça rime. Toutes les filles cherchent un Tremblay. Hein? Ben oui. Au Québec, ben t'as oui, pas cherché loin parce que des Tremblay, il y en a une tonne. Ben, c'est ça, j'essaie de faire une blague, là, mais ça n'a pas marché. Sur le fait que c'est un nom très commun. Ben oui. Mais tu sais, justement, tu choisis comme nom d'artiste Tremblay, on s'entend que Google sera pas nécessairement ton ami, là. Ben non, mais là, tout le monde ne sait que c'est Maxime Desbiens, Tremblay. Tout le monde sait ça? Ben oui, c'est Manolo. C'est Manolo! Et on le rappelle tout le temps. Il est pas capable de... Lui, dans la vie, là, il a fait comme... c'est le rôle que j'aurais pas dû accepter. Mais en oui, même temps, peut-être non. qu'il s'est fait bien de l'argent puis que maintenant, il peut vivre en étant musicien. Pas de problème. Je pense pas que c'est une question d'argent. Je pense que c'est une question de... je veux dire, c'est ce qu'il a lancé sur la scène. C'était pas de ça. Est-ce qu'il serait connu tant que ça? Ben peut-être pas. T'sais, en même temps, moi, j'adorais ça, là. Ouais. J'ai adoré ça, Ramdan. C'est un bien pour un mal ou des biens pour des mâles? Des je suis en amour avec des Thomas. Des biens pour des beaux. Ouais, comment? Thomas, c'était Thomas. Le grand slack. C'est le meilleur ami à Simon. C'est ça, le grand slack. Oh là là! OK, Ramdan, on aime ça. Ramdan. Toujours le fun. C'est juste plate que les coffrets DVD n'aient que les meilleurs épisodes et non pas les 100 DVD par saison. Ah, mais si t'es abonné à Cogeco, par exemple, t'es de tout. C'est pas le cas, malheureusement. Ah, mais là, c'est un problème. C'est là. Pas le cas. Moi, chez nous, quand, c'est pas le cas. Tu chantes pas la polka avec moi? Non. Bon. Non, je ne fais pas ça. C'est réglé, hein? C'est réglé. Pour ce numéro 2, anglophone, Diamond Rings avec I'm Just Me qui monte d'une place dans le petit switcheroo avec Metric. Et tout d'abord, on va aller écouter Bernard Adamus avec Arrange-toi avec ça. Une hausse de 3 au numéro 2. Mon palmarès, c'est fou. C'est pas celle-là du tout. Non, effectivement, c'est tout, pas celle-là. Tout. Ça sonne bien, mais c'est pas ça. Peut-être une autre fois, hein? Peut-être. Ben oui. On a encore du temps pour passer toutes les pièces de l'album. C'est à la mode, Bernard Adamus. Bien. Ouais. I'm getting bolder. out of breath. I'm no son or daughter. I'm nothing, just me. Leading me towards the fire. All I want are your lips, redder than rose hips, sleeping next to my desire. Show me what to live for and how to give more. Because of you I believe. You and I can foment the perfect moment, three-dimensionality. Numéro 2, anglophone, c'était Diamond Rings et I'm Just Me. Une pièce qui monte d'une place, ça ne fait pas l'unanimité parmi les animateurs des palmarès, c'est fou. Si on avait des nains comme animateurs, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont unanimes, comme dans du nanisme? Est-ce qu'on pourrait dire ça? T'as essayé de faire un jeu de mots, là? J'ai essayé. C'est pas encore le numéro 1, là. Oh! Mais je me prépare mentalement! Voilà. Tu pourrais rester dans ta tête. Merci. C'est peut-être là qu'ils vivent, tous les nains des palmarès. Mais juste avant ça, on a écouté Bernard Adamus au numéro 2 francophone avec Arrange-toi avec ça, qui a fait une montée de 3 puisqu'il était au numéro 5 la semaine dernière. Qui ça? Bernard Adamus. T'aimes pas ça quand je ris du fait qu'il chante de loin? Non, parce que je trouve que c'est un bel attrait artistique dans son album. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais j'aime vraiment ça. Parler loin du micro! Non, ça me fait vraiment plaisir. Rire de lui. C'est ça, non, là, non, non, c'est beau. Là, tu me prêtes des, comment dire? Non. Des candidatons? Laisse pas. En tout cas, on est rendu au numéro 1, donc ça veut dire que là, les jeux de mots sont... Là, tu peux faire tes jeux de mots. On peut les sortir du four avec les petites mitaines, parce que j'ai les mains très, très douillettes, là, c'est connu. J'ai chaud et ou froid aux mains très facilement. Jamais satisfait. Jamais satisfait, c'est comme si, mettons, j'avais à choisir, la meilleure, je sais pas, la meilleure planète, par exemple, tu sais, ce serait jamais assez, tu sais. Je serais tout le temps en train de me demander, de me poser la question, est-ce que, coudon, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est Vénus que j'aime ou est-ce que c'est ton anus, je veux dire Uranus. Uranus. Ton anus. Non, j'ai dit Uranus. Oui, non, t'as dit ça. Non, mais j'ai dit Uranus. En tout cas, tu me prêtes encore des candiratons et des ouidir et des cantons de l'Est. C'est bon. C'est ça. Ça veut rien dire du tout. Ou encore, c'est comme si j'avais choisi mon meilleur poisson préféré. Ou sa grosseur, par exemple, t'es petit, moyen, grand ou gros. Et mettons, truite mouchetée ou méné ou petit poisson des chenaux. Est-ce qu'il y a pas de faire des jeux de mots en latin? En latin? T'as un peu. J'en cherche. Uranus Dei. Non, mais l'Opus Dei. Opus Dei. Opus Dei. Comme dans la Davinci Code. Non, la Davinci Code. C'est Chicole. L'Opus Dei. En tout cas, moi, j'ai de la culture. C'est pas grave. Ça se peut. Côté cinéma, je suis complètement nul. On peut tout à fait oublier ça. C'est comme le silence des anus. J'ai jamais vu ça. Ok, le nom de l'album, c'est Agnus Dei. Ou Agnus Dei. Agnus Dei. Je sais pas. Ben, je crois pas à ça, moi, premièrement. Le silence des agneaux ou toutes les sortes d'agneaux ou de chèvres. Je crois pas à ça. Je suis athée ou encore agnostique. Agnostique. Alors, vous aurez compris que le numéro 1 francophone est Vénus de Gros Méné. Voilà, c'est bien dit. Si vous l'avez pas compris, je vous le dis. Il faut l'expliquer, c'est bien ça. Hein? Sinon, c'est pas comme si les gens étaient forcés à les comprendre. Mais par contre, si tu leur, si mettons, tu leur mettais un fusil à la tempe, ok. Ouais. Peut-être que si, mettons, pour leur faire expliquer les jeux de mots, ils diraient va-t'en sur le yard, tu sais. Ouais. C'est ça. Devil's got a gun. Ouais. Ok. Ok, j'imagine que c'est pas assez de haut calibre. Il faudrait que je fasse comme un genre de chevalier avec son épée et son grand cheval blanc avec une couette en arrière. Ah, hey, ça, c'est les bébés, ça. Les bébés? Ben oui, leur clip, là, où est-ce qu'ils sont, en tout cas. Laisse faire. Ben, moi, t'as un peu commencé, là. Mais non, mais les bébés, là, je pense que c'est un de leurs clips, dans le fond, qui est comme sur un cheval, puis il y a une grande queue. Ben, c'est fascinant, ça. Est-ce qu'il est joué par le chanteur du groupe qui a aussi une queue de cheval? C'est ça le pire. Okay, c'est incroyable. Puis si tu l'embrasses, le chanteur des bébés, est-ce qu'il se transforme en cheval ou le contraire? Ah, je sais pas. J'ai pas essayé. Parce que la destinée du monde repose sur ce baiser. C'est le nom de l'album de Devil. The Fate of the World depends on this kiss. C'est le nom de l'album. Alors, vous aurez compris que le numéro 1 anglophone est Devil's Got a Gun, The White Horse. Tout ça a énormément de sens. Énormément. Allons-y avec le numéro 1, Gros Méné, Vénus. On vient après avec une demande spéciale de la part d'Alex Carr elle-même. Just above the main. et en première position. Semaine du 4 au 11 novembre 2012. Avant de dire les numéros 1, petit récapitulatif. Est-ce que tu veux le franco ou l'anglo, Alex? Moi, je vais faire le franco. Parfait, vas-y donc avec le top 5, va. Alors, top 5, numéro 5, on avait Atomic Baobab avec le Viewmaster. Numéro 4, Yann Perrault avec Acrobat de l'éternité qui a fait une hausse de beaucoup. Et Tremblay au numéro 3 avec Marie Plastique. Numéro 2, Arrange-toi avec ça de Bernard Adamus. Et finalement, au numéro 1, avec une hausse de 11, quand même, faut le mentionner, Gros Méné et Vénus. Mm-hmm. En anglophone, 5e place, c'est Hannah Georges et Robotic. En 4e, Eastwood avec October Road qui monte de 15. En 3e, ça descend d'une Breathing Underwater de Metric. En 2e, ça monte d'une I'm Just Me de Diamond Rings. Et finalement, en première place, on vient d'entendre White Horse et Devil's Got a Gun qui monte de 9 places. Voilà pour les palmarès, c'est fou pour cette semaine. On se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h. OK, oui. Restez donc à l'écoute pour l'émission Soirée au coin du feu là, avec Mathieu Roy qui va vous parler, en fait, qui va discuter avec ses invités de la vie étudiante. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est Sky Punk avec les camarades B. Et finalement, les lundis entre 14h et 17h. Restez là à 18h, c'est le boudoir avec Alexandra. Ben oui, c'est moi ça. Alex Carr. Alex Carr. Et Mel B. Mel B. Mélissa Beaupré. Oh, j'ai juste inventé ça. Wow. Incroyable, Mel B. Wow. C'est Sporty Spice, ça, c'est qui? Non, c'est Spicy. Scary Spice. Mais t'es belle. On se quitte avec une demande spéciale de ta part, Alex Carr. Ben oui, c'est Sarah Toussaint-Léveillé qui est en fait la fille de l'humoriste François Léveillé. Oh. Elle a maintenant son album qui s'appelle La Mal Lunée et on va aller écouter justement la chanson qui titre son album La Mal Lunée. Est-ce que c'est écrit par son père comme un show Lise Dion, c'est lui? Non. C'est lui, hein? C'est lui? Ben François. Non, c'est elle qui a écrit son album. Non, je sais, mais François Léveillé, c'est lui? Parce que oui, je sais pas. Je sais pas. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! Sur cette note merveilleuse. Fièvre vive, la mal lunée déchire sa laine, les troupeaux d'ombre qui la suivent, jusqu'aux talons d'Achille, qu'à cela ne tienne. Elle a froid, oh elle a chaud, la belle la mal lunée. Oh elle a froid, oh elle a chaud, la belle la mal lunée. À l'horizon, ils éclairent ses lumignons. Elle veut rattraper ses voix claires à l'unisson. Mais quatre temps en arrière, elle perd le souffle. Mais quatre temps en arrière, elle perd le souffle. Y'a rien à faire. Savoir m'exprimer, mieux n'être maman dans un champ de presse et courir comme les autres. Mais la paresse l'emporte sur ma sagesse, je ne dérange personne. Mais l'on dit que je déconne un peu trop ma vie. La liberté de l'un dérange les pas sérieux des autres. La liberté dérange, mais je n'assume pas cette faute. Sur ma calèche de voyageuse mal achevée, je décore de flamèche mes histoires entartées. Converti aux fantasmes et aux hallucinations, la musique chapeaute ma carapace de fer. Peu importe si je brûle en enfer, mes croyances sont aussi fortes que les mots que l'on enterre. Sous la peau des pseudo-musiciens qui jouent de notes et ainsi font, font la cadence canotier avant matelot. On abandonne la qualité pour faire des sous avec des sons, des sous avec des sons. Des solistes qui ne tiennent pas la route sans trop manger leur croûte. Ils en viennent à se jouer de vous, se jouer de nous et par-dessus tout clouer leurs atouts au plancher. À force de ne plus avancer, à force de ne plus avancer, à force de ne plus avancer, mais avancer plus rapidement que la mal lunée.